L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Une matinée ouverte à tous pour marcher ou courir pour une bonne cause, ce sera le dimanche 28 mai à Neuve-Maisons. Morgane Momy-Brignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'ORCEP. L'ORCEP, c'est le réseau lorrain pour la prise en charge de la SEP. La SEP, la sclérose en plaques. Oui. Donc on accompagne les patients atteints de sclérose en plaques et leurs proches. Tout au long de l'année, donc, vous avez ce rôle d'accompagnement et aussi il y a pas mal d'événements qui sont organisés pour faire connaître cette maladie, pour faire connaître l'ORCEP et pour soutenir votre travail et aussi la recherche. On vous avait déjà reçu l'année dernière à l'occasion du futur voyage qui s'est déroulé de Lucien Sandagier qui avait gravi l'Aconcagua en Amérique du Sud. Un voyage qui s'est bien passé, on le recevra peut-être d'ailleurs pour en reparler. Et il y a plein d'autres événements comme ça. Et là, l'actualité notamment, ça va être une course à pied. Tout à fait. Ça sera le 28 mai. Le 28 mai. Alors, ce sera une course à pied avec un format mix course à pied, marche, randonnée. C'est une course qui se veut accessible, un événement en tout cas qui se veut accessible à tous. Qui a été initié et qui est organisé par l'ADPS, qui est une association de prévoyance santé, qui soutient en particulier des actions de prévention qui visent à inciter les individus à préserver leur capital santé. Donc cette année, l'ADPS nous fait le plaisir de nous solliciter pour organiser cet événement sur la sclérose en plaques. Il y aura également le club de danse Salsa Fuerza qui proposera des animations pendant toute la matinée. Ils danseront au fur et à mesure de la matinée pour encourager les coureurs, les marcheurs, avec aussi des démonstrations et puis une initiation. Et cet événement est également soutenu par le club d'athlétisme de Neuve-Maisons. Donc ça, ce sera le 28 mai. Le 28 mai. Pour vous en dire un petit peu plus sur le format, ça commencera vers 8h30 jusqu'à 12h30. Il y aura deux formats proposés. Un premier qui consistera à réaliser des tours de stade, en marche, en course, peu importe. Et les trois personnes qui auront réalisé le plus de kilomètres pour la SEP se verront remettre un petit cadeau. Et il y aura également une course randonnée dont le parcours reste à définir, non chronométré bien sûr, hein, mais voilà, pour que chacun puisse s'y retrouver un petit peu dans cette matinée qui vraiment se veut ouverte à tous. À l'issue des courses, vers 12h30, on aura le plaisir de recevoir notre présidente, le docteur Evelyne Planck, qui se verra remettre par l'association ADPS un chèque de 4 000 € au profit de nos patients et de leur entourage. C'est l'occasion de rappeler le rôle, on l'a dit très rapidement en introduction, cet accompagnement de l'ORCEP. Il se situe à partir de quand cet accompagnement ? Alors à n'importe quel moment, ça peut être au moment du diagnostic, lorsque la personne découvre qu'elle a une maladie. Ça peut être bien plus tard, voire des années plus tard, lorsqu'il y a un changement de vie, un changement de traitement. Une question particulière, peut-être sur un projet de grossesse, sur des demandes en lien avec l'emploi, avec la scolarité. Voilà. On est vraiment présent dès que la personne ou son entourage en a besoin. L'entourage aussi est concerné. Tout à fait. Quand on parle de maladie chronique, bien sûr, on ne peut pas faire sans l'entourage qui est quand même présent au quotidien avec la personne malade. Un des symptômes de la sclérose en plaques, c'est la fatigue, hein, je crois, qui est très présente. Le fait d'organiser des événements comme ça autour du sport, c'est un bon symbole aussi. Alors, la fatigue est très présente, vous l'avez dit à juste titre, dans la sclérose en plaques. Pour autant, on encourage chacun, dans la mesure de ses possibilités, de ses capacités, à avoir quand même une activité physique régulière. Alors, activité physique, ça ne veut pas forcément dire sport, comme on l'entend. Ça peut être un peu de jardinage, ça peut être un peu de marche, ça peut être aller promener le chien. Voilà, c'est pour ça que cette course aussi se veut vraiment ouverte à tous, avec cette possibilité soit de marcher, soit de courir, pour ceux qui le souhaitent, de randonner, ou d'être tout simplement présent, de danser avec le club Salsa Fuerza, pour la sclérose en plaques et de dire que c'est possible encore, chacun dans sa mesure. À son niveau, tout est possible, hein, voilà. C'est ça. Donc le 28 mai, vous attendez beaucoup de monde, on l'imagine, ça se passe où, rappelez-nous un peu. Alors ce sera au stade de Neuve-Maisons, l'accueil se fera là-bas. On attend du monde, on espère recevoir beaucoup de monde. Je le rappelle, l'entrée est gratuite, la participation est gratuite. Il y aura également une petite buvette, il y aura la possibilité pour chacun d'y trouver son compte, je l'espère. Pas besoin de s'inscrire, hein, il suffit de se rendre là-bas. C'est à partir de 8h30, je crois. Alors, on espère un début vers 8h30 et une fin de matinée à 12h30. Mais toutes les modalités, les départs, etc. seront communiquées très bientôt, je l'espère. Justement, pour retrouver toutes les informations, comment on peut faire ? Sur le site de l'ORCEP, par exemple ? Alors, sur le site de l'ORCEP, très prochainement, là, on termine l'affiche avec la DPS et les partenaires. Donc, très prochainement, sur le site du l'ORCEP, et puis on communiquera auprès de nos différents partenaires. Et si on a des questions autour de cette maladie, pareil. L'ORCEP.org, voilà, ou nous contacter par téléphone, par mail, on est toujours joignable. Et peut-être un autre événement annoncé déjà ? Alors oui, tout à fait. Oui. Le 3 juin, on organise notre journée grand public. L'inscription est obligatoire mais gratuite cette fois-ci. Ce sera à l'espace Chaudot à Ludres. On attend beaucoup de monde aussi, on l'espère. Il y aura une intervention de nos médecins autour des thématiques vie féminine et vie masculine avec la CEP. Il y aura également un retour sur tous les exploits sportifs réalisés au profit du LORCEP l'an dernier. Donc on retrouvera Lucas, voilà, Standinger avec plaisir. Également les Quincazel et Elodie qui a gravi le Mont Kenya. Et puis il y aura un temps de questions-réponses avec nos médecins et le public. Donc ça, ce sera le 3 juin à l'espace Chaudot à Ludres. Mais déjà, rendez-vous le 28 mai. Voilà, rendez-vous le 28 mai pour la course en partenariat avec l'ADPS, Salsa Fuerza et le club d'athlétisme de Neuf Maisons. Morgane Momy-Brignon, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'ORCEP Réseau Lorrain pour la prise en charge de la CEP. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.